L'intérêt est l'âme de l'amour-propre, de sorte comme le corps, privé de son âme et sans vue, sans ouïe, sans connaissance, sans sentiment et sans mouvement, de même, l'amour-propre séparé, s'il faut le dire ainsi, de son intérêt, n'entend, ne sent et ne se remue plus. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. On ne blâme le vice et on ne loue la vertu que par intérêt. L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité. L'orgueil est égal dans tous les hommes. Il n'y a de différence qu'au moyen et à la manière de le mettre au jour. Quelque bien qu'on dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau. On parle peu, quand la vanité ne fait pas parler. On aime mieux dire du mal de soi-même que de n'en point parler. Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu'il est dangereux de les suivre et qu'on doit s'en défier, lors même qu'elles paraissent les plus raisonnables. Nous avons plus de force que de volonté, et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles.